L'argent ça part, ça vient. Un jour tu pourras peut-être acheter tout ce qui t'appartient. Des DVD tellement rayés, tu connais pas la fin. Le charme des plus grands magasins, c'est Wonder Cash. T'as revendu la console du petit, tu t'es payé 3 pintes et 2 paquets de Lucky. T'as pas ta pièce d'identité, personne est surpris. T'inquiète, on s'arrange en fonction du prix chez Wonder Cash. Écran non plasma fourni avec l'antenne. Technologie dernier cri si t'as la 60aine. T'as reconnu l'enseigne, ici tout est légal. Mais évite de trop en parler quand même. Wonder Cash. Les vendeuses et les numéros de série sont surmaquillés. La banane est contractuelle, t'as plus qu'à signer. Une sélection pornographique des plus raffinés. Tu peux te branler dans ta poche. Oh. Wonder Cash. Des slogans dégueulasses qui te resteront dans le crâne. Nos DVD contiennent tous une apparition de Vandame. La seule garantie c'est que ça tombe en panne. Une zone industrielle au cœur de la campagne, c'est Wonder Cash. Paye les intérêts, si tu veux tu payes en 300 fois. S'il y a des bonnes affaires, les vendeurs les ont faites avant toi. Souviens-toi du jour où ta femme t'a passé la bague au doigt. Quand tu la ramèneras chez Wonder Cash. L'occasion, prix du 9, c'est Wonder Cash. Ouvert le 26 décembre, Wonder Cash. Dans la zone industrielle à Carpiquet, Wonder Cash. Et repars avec ta photo dédicacée de Franck Dumas.